voici votre bulletin régional. Le 9 avril à 19h, au Théâtre de la Cité-École Louis-Saint-Laurent de Hustingis, on présente la pièce « Un petit coin tranquille ». Billet, 5$ par personne. Arthur Leventurier offrira son spectacle pour les enfants à la salle Guy Veilleux de Cours-Chiriton le 11 avril dès 14h. À 20h le 11 avril, l'auteur-compositeur-interprète François Lachance se produira sur la scène du Centre culturel de Weedon.